radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous comprendrez mieux ce qu'a été le parcours intellectuel du sociologue Pierre Bourdieu. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est une émission proposée aujourd'hui par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Aloïse Guérin, Jean-Christophe Francis et Jacques Hubert. Dans les années précédant sa mort, le 23 janvier 2002, Pierre Bourdieu était le sociologue le plus cité dans le monde. Avec ses concepts de champ, d'habitus, de capital ou de domination, il a ouvert la voie à des débats aujourd'hui bien ancrés dans la société, comme celui sur la domination masculine, coloniale ou bien encore de classe. Mais connaît-on vraiment Pierre Bourdieu et quel a été le parcours intellectuel de cet homme qui disait que s'il avait quelque chose à transmettre, c'était avant tout une méthode ? Le sociologue, comme tous les scientifiques, essaie d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers? Alors, c'est pas pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Un extrait du film de Pierre Karl, La sociologie est un sport de combat. Bonjour à vous, Marc Joly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, l'auteur notamment de l'essai intitulé La sociologie réflexive de Pierre Bourdieu, c'est aux éditions CNRS. Et avec vous, on aimerait parler de cet homme dont les concepts semblent aujourd'hui incorporés à la sociologie et même à la pensée actuelle, même si par bien des aspects, il demeure incompris. En tout cas, c'est votre avis. On a l'impression que vous pensez que par certains côtés, il n'est pas encore bien compris. Je pense qu'on n'a pas encore pris toute la mesure de ce que Bourdieu a fait dans la sociologie. C'est-à-dire qu'il a vraiment révolutionné la sociologie à tout point de vue, du point de vue de la pratique d'abord. Il a travaillé toujours dans des dynamiques collectives, dans des collectifs de recherche qu'il orchestrait, qu'il animait avec énormément d'ingéniosité. Il s'est d'emblée affranchi des frontières disciplinaires établies entre l'ethnologie et la sociologie, notamment quand il se convertit aux sciences sociales en Algérie. Il brasse différentes méthodes. Il met au cœur de la pratique sociologique la réflexivité. Donc il a, sur un laps de temps très court, entamé un nombre d'évolutions, de transformations absolument incroyables. Et cette méthode, elle a pour but de faire une meilleure sociologie ou elle a pour but de faire en sorte d'incorporer davantage, par exemple, les jeunes chercheurs ou d'être plus inclusif, comme on dirait aujourd'hui, et d'être dans un travail plus collectif? Alors, pour répondre à votre question, observons comment il fait au début. C'est-à-dire, par exemple, donc c'est un agrégé de philosophie. Il va en Algérie faire son service militaire. Ensuite, il travaille pour le gouvernement central. Il va engager des enquêtes, et ça c'est un livre récent qui le montre très bien, en binôme avec un intellectuel colonisé. C'est la première fois qu'un ethnologue faisait ça, qui s'appelle Abdelmalek Saya. Donc il y a un livre qui vient de sortir là-dessus qui s'appelle « Combattre en sociologue », c'est d'Amine Pérez. Donc d'emblée, il travaille dans une dynamique collective avec un instituteur. Il va faire des enquêtes de terrain. Il va dédoubler son enquête de terrain en Algérie par une enquête de terrain dans son village natal. Là, il s'appuie sur ses parents. Donc déjà, rien que le tout début de ses recherches, il innove de manière assez invraisemblable. Ce qui fait qu'on le voit dans le champ, alors utilisons ce mot de champ, dans le champ sociologique et universitaire assez rapidement comme un électron libre. Alors pas comme un électron libre, mais comme, enfin, si vous voulez, tout se passe très vite, c'est-à-dire... Il se convertit à la sociologie, à l'anthropologie en Algérie, mais très vite, il revient en France. Raymond Aron, qui est en gros le patron de la sociologie française de l'époque, lui donne les clés d'un centre de recherche, tout simplement parce qu'il a un capital déjà d'enquête sur 2-3 ans, mais qui est déjà exceptionnellement riche entre l'Algérie et le Béarn. Il va entamer très vite des enquêtes en France. Donc ça se fait très vite. Et il organise ce collectif de recherche, dont le sillage de ce qu'il a fait en Algérie, donc à l'École pratique des hautes études. Donc c'est un centre de sociologie, ça s'appelle le Centre de sociologie européenne. Et très vite, il va travailler avec un autre sociologue et ils vont faire des travaux de sociologie de l'éducation très connus. Donc ce que je veux dire, c'est que la première décennie, en gros, où Bourdieu rentre dans le champ de la sociologie, déjà la sociologie, elle est au plus bas des disciplines. Elle existe à peine du point de vue de l'enseignement. Il lui donne ses lettres de noblesse. Il contribue de manière très importante à lui donner ses lettres de noblesse. Oui. Qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est-à-dire quand est mort Pierre Bourdieu en 2002, à l'âge de 72 ans? Est-ce que l'idée qu'on se fait de lui et de son importance a évolué, Marc Joly? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que on est en train de prendre la mesure de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire juste un mot, si vous le permettez, sur les récentes publications sur Pierre Bourdieu. Il y a donc une thèse très importante sur le travail de Bourdieu en Algérie avec Edmel Eksayat qui vient juste de sortir. Il y a un collectif que je cite parce que je le trouve très important qui s'appelle Pierre Bourdieu et l'art de l'invention scientifique. C'est un travail d'enquête dirigé par Julien Duval, Johan Heilbronn et Pernell Hissenhout qui porte sur les enquêtes que Bourdieu a coordonnées, dirigées au Centre de sociologie européenne dans les années 60. C'est une mine. Donc plein de choses qu'on ne savait pas. Il y a aussi des publications posthumes de Bourdieu, notamment un livre qui vient de sortir qui s'appelle Microcosme, qui a été composé par le fils de Bourdieu, Jérôme Bourdieu, et Franck Poupeau. Et maintenant, on ne peut plus parler de la théorie des champs sans se reporter à ce livre-là. Ça s'est sorti il y a 2 mois. Donc, est-ce que Bourdieu a gagné, alors, pour caricaturer un petit c'est peu, pas dans comme l'université, ça au moins? Moi, je ne dirais pas les choses comme ça, parce que je n'aime pas cette manière de poser les choses, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé un patrimoine absolument considérable, et qu'on n'a pas fini de digérer d'une certaine manière. Et je ne parle pas de ses cours au Collège de France, puisque dans les publications toutes récentes, il y a le tout dernier volume des cours au Collège de France de Bourdieu, et ses cours sont absolument extraordinaires. Aujourd'hui, être ouvertement bourdieusien pour avoir un poste, par exemple, dans l'université, c'est plutôt un plus ou c'est plutôt un moins? Je pense que c'est un moins. Si on est que bourdieusien, c'est pas bien vu. Je pourrais vous donner des anecdotes personnelles, de choses que je vois, etc. On conseille aux candidats de ne pas trop afficher une appartenance bourdieusienne. Alors que peut-être qu'il y a une époque où c'était clairement un plus. Je pense pas. Honnêtement, au CNRS, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de sociologues bourdieusiens qui sont passés. Et là, ce serait vraiment compliqué. Mais non, du point de vue des institutions, c'est pas, il n'a pas été extrêmement influent. Mmh. On ne peut pas dire ça. Ouais. Alors parlons peut-être un petit peu de l'homme et de où il venait, ou peut-être que nous pouvons lui laisser la parole à ce sujet. C'était un entretien avec Pascal Casanova du 23 juin 1990, extrait. Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, bon, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé 25 ou 30 premières années comme fils de petits métayers pauvres. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. C'est vous qui parlez de la trajectoire du miraculé, non ? Oui, c'est ça. Mmh. Les miraculés sont très heureux. En général, ils sont très conservateurs. Ils adorent le système scolaire. Ils trouvent que le système est très bien, puisqu'il les a reconnus. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, je suis... ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Demandé sur France Culture, Pierre Bourdieu n'était pas un universitaire heureux, nous dit-il, sans doute parce qu'il était trop conscient des inégalités du système dans lequel il évoluait et dont il était au fond un rescapé. Vous diriez ça, Marc Joly ? Oui, oui. Je pense que quand il dit ça, il est aussi, il était. Enfin, je vous disais tout à l'heure que il y a peu de Bourdieusiens qui ont eu des postes. Que ce soit à l'école d'études en sciences sociales, où Bourdieu a fait l'essentiel de sa carrière, ou au CNRS, il était très malheureux du jeu des institutions. Ça, il souffrait beaucoup. Après, comme chercheur, c'était un homme assez heureux. C'est-à-dire, il avait une passion pour la recherche, et il était vraiment dans son élément quand il était sur le terrain, quand il travaillait sur des enquêtes, quand il réfléchissait à des problèmes de méthode, etc. Il était vraiment dans son élément, mais il n'aimait pas tout ce qu'il y avait autour. Ça, c'est clair. Même s'il était assez... Il étudiait tout ce qu'il y avait autour. Oui, oui, mais il étudiait, il a écrit un livre qui s'appelle Homo Academicus, qui est une étude vraiment extrêmement objective, et rude du champ académique, mais c'est vrai que ça ne contribue pas à être parfaitement à l'aise quand on révèle un peu les règles cachées du jeu. Donc il est né dans un milieu dominé, pourrait-on dire, son père métayer puis postier, petit fonctionnaire, et il finit dominant, professeur au Collège de France pendant 20 ans, de 1982 jusqu'à sa mort. Mmh. C'est quand même un parcours extraordinaire, non ? Oui, c'est un parcours extraordinaire. On n'a pas encore tous les éléments permettant de comprendre comment ça a été possible. Ce qui est clair, bon, il est fils unique. Il avait un rapport très proche avec ses parents. Honnêtement, le côté dominé du père... Il faut un tout petit peu le relativiser quand on lit donc cette enquête sur Pierre Bourdieu et l'art de l'invention scientifique, parce qu'il y a tout un chapitre sur le Béarn et on voit que le père de Bourdieu est associé à cette... Donc il fait une enquête, en fait, Bourdieu, sur le petit village de son enfance. C'est une enquête très complète et qui a plusieurs volets. Bon, qui a notamment un volet photographie. Il essaie d'étudier comment les gens... le rapport de ces gens très populaires à la photographie. C'est son père qui est sur le terrain pour Bourdieu. Et il y a quand même un minimum de capitaux scolaires. Enfin, c'est pas ce qu'il disait exactement dans l'archive, où il soulignait quand même qu'il venait d'un milieu très modeste. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tout le monde n'est pas capable d'aller, comme le père de Bourdieu, faire des enquêtes, mm-hmm. interroger les gens, faire des plans, etc. C'est absolument fondamental. Enfin, donc il y avait une sorte de déterminisme quand même. C'est pas un déterminisme. Chez Bourdieu. Il a forcément pris quelque chose de son père, c'est ça que je veux dire. Je veux pas faire un peu une biographie un peu trop rapide de Bourdieu, mais clairement, il a pris des choses de son père. Il vient de très bas. Son père, effectivement, vient... Mais disons, il y a un processus d'ascension sociale déjà accompli un peu par le père par rapport à son... Donc on ne peut pas dire que Pierre Bourdieu est le contre-exemple Mais il n'y a pas de contre-exemple, sa sociologie. Ça n'existe pas, en fait, de contre-exemple. Au contraire, je pense que sa sociologie permet d'expliquer toutes les trajectoires, celles qui sont très linéaires et puis celles qui sont des trajectoires de bifurcation. Donc, il est fils unique, et son père lui transmet un rapport quand même... D'ailleurs, il le dit dans son livre autobiographique, Esquisse, il est très très fin dans l'ambivalence du père par rapport à ses propres origines à lui, le fait qu'il est devenu postier, qu'il maîtrise l'écriture, que c'est en gros une sorte d'intellectuel qui est en porte-à-faux par rapport à son milieu, qui est un milieu très paysan, de gens quasi analphabètes, etc. Son père souffre de ça. Son père est d'une certaine manière plus clivé que lui-même Bourdieu. Bourdieu récupère cet habitus clivé. Donc ça ne remet pas du tout en cause le discours de Bourdieu, mais c'est très lié en fait à la trajectoire de son père. Du coup, j'ai perdu le fil de la question. Non, mais on peut poursuivre un petit peu sur les études secondaires de Bourdieu au lycée de Pau, puis la Cagne à Louis-le-Grand, puis l'école normale supérieure en 1951. Et là, c'est la philosophie qu'il choisisse. C'est sa première intuition, l'intuition philosophique, Marc Joly. Bah, disons que c'est Bourdieu, je pense qu'on peut le dire, il a un côté surdoué. Il a un côté surdoué. Et donc, quand on réussit de manière excellente à l'école, eh bien, à cette époque-là, on fait l'école normale supérieure et on se dirige vers l'agrégation de philosophie. C'est ce qu'il y a de plus haut. Donc, il va vers ce qu'il y a de plus haut. Mais il n'est pas très heureux, par contre, à l'école normale supérieure. Il est vraiment il fréquente des milieux qui ne sont pas les milieux communistes un peu détendus que fréquenteront des gens comme Veynes ou Jean-Claude Passeron, avec qui il a travaillé. Il est un peu solitaire. Il fréquente des gens plutôt de droite. Et pourquoi, il est pas, d'après vous, il n'est pas du tout à l'aise avec les gens qui sont les prototypes de l'étudiant normalien bien dans leur peau, avec un peu une distance au rôle, etc. Il est pas à l'aise. Il y a une sorte de timidité aussi. Oui, une très grande timidité. Ça ressort de tous les gens qui l'ont connu à cette époque-là. Il est assez timide, il est assez réservé. Même par la suite, d'ailleurs, on sent que dans toute sa carrière, pour beaucoup de raisons, il ne donnera pas énormément d'interviews dans les médias, mais plutôt par défiance envers ce que les médias peuvent faire de sa parole. Mais c'est vrai que même là, on sent une forme de retenue et peut-être de timidité. Oui, il était très pudique. Dire qu'il était très pudique. Ouais. Alors sur la philosophie et le rapport aux autres sciences sociales, je vous propose d'écouter un autre extrait de ce bon plaisir avec Pascal Casanova, toujours du 23 juin 1990. Je me suis avoué que j'étais ethnologue très tard. Je pensais que je faisais de l'ethnologie provisoirement, puis j'allais revenir à la philosophie. Et je me suis avoué que j'étais sociologue très tard. C'est-à-dire que j'ai continué pendant toute l'époque où j'ai écrit Les Héritiers, par exemple. Je pensais encore ethnologie. Et les problèmes qui m'intéressaient, quand je travaillais sérieusement, en quelque sorte, pour moi, Les Héritiers, c'était un peu comme les travaux que j'ai fait sur l'Algérie, c'est des travaux de science militante. C'est-à-dire, je disais, bon, il faut que, en tant que chercheur, sur des problèmes très, très brûlants, je donne la vision scientifique. Bon, alors, il y avait ces étudiants, je les voyais mal adaptés, je sentais bien qu'il y avait une nouvelle catégorie d'étudiants qui accédaient au système scolaire, etc. Bon, il y avait toute une idéologie étudiante plus ou moins farfelue, l'étudiant comme classe, etc., des foutaises scientifiquement, qui m'énervaient un peu. Bon, et donc, je voulais faire ça, mais mes préoccupations réelles étaient... j'étudiais les systèmes de parenté, les systèmes rituels, le crapaud, la grenouille, on fait tourner cette fois dans le sens, etc. Bon, je faisais des choses tout à fait éloignées de ça. Et les deux choses se sont baladées parallèlement pendant très longtemps, et je pense, au fond, ça a été un peu la chance de ma vie, c'est-à-dire que j'ai fait communiquer des univers théoriques qui ne communiquaient pas du tout, parce que actuellement, au fond, au temps de Durkheim, on était à la fois, la distinction sociologie-ethnologie n'existait pas. Au fond, des gens comme Mauss ou comme Durkheim, leur œuvre passe de l'un à l'autre. Alors que, au fond, pour ma génération, ces deux univers, ce sont deux univers complètement séparés. Retracer, Marc Joly, ce qui fait le passage de la philosophie à l'ethnologie, à la sociologie. Est-ce que, au fond, il se trouve dans le sens où il découvre que ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'étudier le monde social et le monde concret, bien plus que le monde abstrait et le monde des idées. Oui, ça on le sait à travers le témoignage de Bourdieu, à travers aussi des travaux récents que j'ai déjà cités. En 54, il est censé faire une thèse sous la direction de Canguilhem sur, c'est en gros une phénoménologie de la vie affective. Qui est déjà un sujet un peu original? Oui, plus ou moins, je suis pas capable de vous dire si c'est un sujet original. Il me semblerait que travailler sur les émotions quand on est jeune normalien, c'est plutôt assez banal, en fait. Le faire avec Canguilhem, je trouve ça un peu étrange. Pourquoi? Mais parce que c'est de la phénoménologie qu'il veut faire. Mais en fait, il le fera pas. D'ailleurs, dans un des témoignages, il dit qu'il y a aussi une dimension très personnelle. Il a eu un deuil à cette époque-là. Il avait vraiment des vrais problèmes affectifs. Donc, quand il est en Algérie, en fait, il va abandonner ce projet de thèse assez vite. Donc il est en Algérie avant l'indépendance. Oui, pendant la guerre. Pendant son service militaire, en pleine guerre en fait. Hein. Et il va faire de l'ethnologie en pleine guerre, en situation de guerre, ce qui est tout à fait inhabituel. Est-ce qu'il est traumatisé par les événements d'Algérie, vous croyez ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il était, on va dire que c'est quelqu'un qui était tout le temps mal à l'aise en porte-à-faux, mais il est pas à l'aise. C'est-à-dire, il est évidemment pour l'indépendance de l'Algérie. Il est absolument opposé au système colonial. Il en voit toutes les horreurs, tout l'arbitraire, tout ce que ça a de domination absolue. Mais d'un autre côté, il trouve les intellectuels pro-FLN, par exemple, totalement irresponsables. Mmh. Donc il est un peu entre les deux. Et ce qu'il veut faire, c'est une science. Donc c'est une science engagée, mais fondée sur une connaissance objective. Et donc il a dans l'idée de produire une connaissance qui permette d'éclairer la situation et d'anticiper. Ça je trouve que c'est très original, et Amine Pérez le montre très bien dans son livre « Combattre en sociologue ». Bon, je fais sa publicité parce que c'est un très bon livre, ça fait deux fois que je le cite. Mais je trouve qu'il montre un truc très important, et enfin quelque chose à quoi j'avais jamais pensé personnellement. Et je trouve que c'est très fort. C'est-à-dire qu'il fait une sociologie d'une société qui est en situation coloniale, qui est en train de se libérer de la tutelle coloniale, impérialiste française, mais en anticipant ce qu'elle va être comme société post-coloniale. Mmh. C'est-à-dire, il y a des rapports de domination qui ne vont pas s'effacer d'un coup. Et ça, c'est vraiment au cœur de son approche de cette société qui a été complètement déstructurée par le colonialisme, mais aussi par le capitalisme, qui produit une crise très profonde des habitus, c'est-à-dire de ce que les gens ont intériorisé comme rapport au monde, comme façon d'être. C'est un peu la longue traîne du traumatisme de la colonisation. Exactement. Qui ne se résout pas comme ça. Exactement. D'un claquement de doigts. Exactement. Pas avec uniquement une guerre de libération, des gens qui prennent conscience du jour au lendemain de leur position de prolétaire ou de dominé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut avoir un sens de la responsabilité dans ce qu'on propose et dans ce qu'on apporte comme élément de compréhension de ce qui se joue quand on analyse cette situation-là, ce genre de situation-là. Donc Pierre Bourdieu devient donc sociologue. Est-ce que c'est assez rapide sa théorisation des champs, par exemple ? Ça va être très long en fait. En gros, ça va prendre une quinzaine d'années pour qu'il ait à peu près, pour qu'il accède à peu près à une maturité théorique. Déjà, il passe à la sociologie par l'ethnologie, c'est-à-dire c'est un processus de transition par étapes. Ses premiers travaux de sociologie, en plus, sont dans un sous-champ de la sociologie qui est quasiment le plus bas. C'est la sociologie rurale. Donc, son premier article vraiment important, c'est publié dans une toute petite revue qui s'appelle Études rurales. Donc, de toute façon, d'emblée, c'est ce qu'il dit dans l'extrait que vous avez passé. D'emblée, de toute façon, il s'affranchit de l'opposition ethnologie-sociologie. Il fait les deux. Mais quand même, au début, il se situe un peu dans le champ d'ethnologie. Il a une très brève phase structuraliste où il est un peu fasciné par Lévi-Strauss, mais ça va très vite passer. Il fait un texte très lévi-straussien, mais ce sera son seul fait de gloire structuraliste. Après, il va vers autre chose, il va vers une théorie de la pratique, des comportements, des stratégies. Et donc, il sera très brièvement structuraliste. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'en fait, il concilie des travaux qui portent sur la société algérienne qu'il parcourt dans ses différents aspects, dans ses différentes strates. Donc, c'est des enquêtes sur les travailleurs, sur les prolétaires des villes, sur les kabyles, sur les rituels, etc., sur les systèmes de parenté. Bon. Et d'un autre côté, c'est des enquêtes qui portent sur la France et qui portent plutôt, on va dire, sur la culture et l'enseignement. Il lit toujours les deux, d'ailleurs. C'est-à-dire, en gros, la culture, elle est déterminée par le système d'enseignement. Et donc, il a une sorte de théorie globale des comportements culturels. Mais ça va mettre 15 ans à ce qu'il arrive à synthétiser tout ça. Alors la synthèse de ça, c'est un certain nombre de concepts dont on pourrait peut-être dire quelques mots avec vous, Marc Joly. C'est des concepts qu'on a un peu l'habitude d'utiliser sans peut-être savoir exactement les manier parfaitement. Alors je parlais du champ par exemple. Qu'est-ce qu'un champ exactement ? Un champ, je vais répondre à côté, vous n'allez pas être content. Non, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout un principe de méthode, un principe de construction d'objets, le champ. Je vais répondre à votre question, mais on ne peut pas répondre comme ça, donner une définition. On peut dire espace structuré de position. Voilà. On peut dire que là, vous, face à moi, on est dans un champ et on est porteur de champs différents. Moi, le champ académique, vous, le champ journalistique, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un principe de compréhension des discours, des comportements, des prises de position des gens, en partant du principe que la logique génératrice de ce que les gens disent, font, c'est un espace de position dans lequel ils sont situés. Par exemple, voilà. Vous vous citez les travaux de vos collègues parce que vous êtes dans un champ qui est un champ universitaire, et donc c'est important de citer les travaux Exactement. De vos collègues dans le champ universitaire. Alors, à la tout radio. À fait. Mais on pourrait dire qu'à la radio, on n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, quand on fait un article scientifique, c'est une contrainte absolue. On est obligé de se référer aux travaux les plus documentés, les mieux informés, les plus à jour, quand on parle d'un sujet donné. Donc c'est voilà. Ça qui est important de comprendre avec cette idée du champ, c'est que chaque champ a sa logique propre et que la logique du champ n'est pas forcément compréhensible pour les personnes qui sont en dehors de ce champ-là. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce qui fait courir un mathématicien, c'est pas ce qui fait courir un sportif, c'est pas ce qui fait courir un juriste, etc. Il y a des intérêts spécifiques, il y a des croyances spécifiques qui donnent sens à des univers donnés, qui sont pas totalement fermés sur eux-mêmes, qui sont en relation avec d'autres univers, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que certains univers sont puissants et peuvent remettre en cause l'autonomie de certains espaces. Si vous voulez, le point de départ de la théorie des champs chez Bourdieu, c'est une lecture d'un... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais c'est une lecture d'un chapitre de sociologie religieuse de Max Weber dans son grand livre publié après sa mort, Économie et Société, Wirtschaft und Gesellschaft. Et donc, il fait un commentaire de ce texte en montrant qu'il faut avoir une interprétation en termes de liens d'interdépendance, d'espace de position. Tout ne se réduit pas aux interactions entre les gens. Dans une interaction, il y a toujours un espace sous-jacent. Mm-hmm. Donc, c'est dans cet article-là de 71, je crois, qu'il introduit vraiment la notion de champ. Mais avant, il avait fait un article, et en fait, il n'en était pas content de cet article. C'était un article sur le champ intellectuel, donc c'est 66. Et il avait une vision interactionniste, par exemple, du monde littéraire, c'est-à-dire centré sur le rapport entre un auteur et son éditeur, etc., sans voir qu'il y a toujours un espace de position sous-jacent, invisible, qui conditionne, détermine les comportements visibles. Mais Marc Joly, on a l'impression qu'on ne peut plus faire de sociologie sans ces notions de champ aujourd'hui, et on a même du mal à se représenter ce que pouvait être la sociologie avant cette notion. On a l'impression que c'est un donné quand même, l'idée du champ, non ? Vous avez raison. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a pas de champs sociaux ? Si, évidemment. Mais par contre, il y a plein de sociologues qui n'ont pas bien compris la notion de champ. Je ne vais pas donner de nom parce que moi, j'ai souvenir d'avoir débattu avec un sociologue. Il ne comprenait pas la notion de champ. Qu'est-ce qu'il pensait, que les individus étaient autonomes et libres et donc ne dépendaient pas. C'est la difficulté à se représenter un espace de position qu'on ne peut pas toucher du doigt. Cette difficulté-là, elle n'est pas encore surmontée. Il y a aussi, si vous voulez, très simplement, le champ, il répond à un problème donné, par exemple, pour comprendre des œuvres, par exemple, de littérature. Bon, on avait une opposition un peu classique, c'était ceux qui étaient concentrés vraiment sur l'œuvre en elle-même, son inscription dans une tradition, etc., littéraire, intellectuelle, donnée. Donc, lecture interne de l'œuvre. Et puis, d'un autre côté, on avait des analyses... on va dire des analyses externes, c'est-à-dire qui rapportaient en gros l'œuvre à la position de son auteur dans l'espace social. Et Bourdieu, ce qu'il a introduit, c'est l'idée d'un espace intermédiaire, ce qu'il appelle le champ, qui éclaire la signification même de l'œuvre. Donc c'est une façon de rompre avec cette opposition interne-externe. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on en pense, Marc Joly, et ça c'est vrai qu'il faut se replonger dans la littérature de Bourdieu pour bien la comprendre, mais c'est pas tous les jours facile de lire du Bourdieu, lui-même en convenait. J'ai constamment le sentiment d'être exposé à être entendu comme coupant des cheveux en quatre à la manière des philosophes, alors que j'ai le sentiment, la conviction d'essayer d'introduire à des choses extrêmement concrètes qui touchent à la pratique du chercheur, mais qui touchent aussi aux expériences de la vie les plus concrètes. Mais paradoxalement, pour être très concret, il faut être très abstrait. C'est-à-dire que pour parvenir, par exemple, à décrire dans sa complexité un acte comme le don ou une pratique comme le travail, bon, il faut faire tout ce détour des trois niveaux pascaliens. L'expérience naïve, l'écarté, par des constructions savantes qui risquent de faire oublier l'expérience naïve, et puis revenir à l'expérience naïve et tenir un discours. Enfin, il faut regarder de deux côtés à la fois. Alors, je pense que dans la littérature, on trouverait des gens qui ont tenté des choses de ce genre. Je pense que Proust a souvent tenté, ce qui explique parfois la complexité extraordinaire de ses phrases, de tenir ensemble le regard de celui qui est dans la pratique et de celui qui regarde la pratique et qui se regarde dans la pratique. Alors, c'est très, très inconfortable. Et surtout, alors, le plus douloureux, c'est que c'est toujours exposé à paraître... Abstrait, gratuit, philosophique au mauvais sens du terme. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Ça, c'était un entretien avec Roger Chartier dans Les Lundis de l'Histoire du 12 mai 1997. On lui a beaucoup reproché son style considéré comme abscon, Marc Joly, et pourtant il s'en défendait, il expliquait que précisément la complexité de ce qu'il avait à dire nécessitait que son style fasse des détours et arrive à englober des choses qui n'étaient pas forcément d'habitude mises ensemble. Oui, je ne vais pas nier qu'il est difficile à lire. C'est pour ça que moi, je recommande toujours aux étudiants, s'ils peuvent, de se reporter à ces cours, parce que c'est une parole plus orale et ça permet vraiment de comprendre ce qu'il a essayé de faire. C'est vrai que se plonger dans Bourdieu, ça donne, c'est assez vertigineux parce que il y a une immensité des objets qu'il a traités, une immensité des problèmes théoriques qu'il essaye de résoudre, de traiter. C'est difficile. C'est clair. Parce qu'il y a une difficile. Volonté d'englober l'ensemble du système social. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient de la philosophie jusqu'à la sociologie. Et peut-être qu'il essaye d'avoir cette vision un peu holiste, un peu globale. Oui, mais justement, il veut pas faire une théorie globale, inspirée... un peu abstraite, il veut toujours se référer à des objets très concrets, et à partir de ces objets très concrets, poser des questions en général. C'est ça, en fait, la complexité qu'il fait. Mais après, il y a une multiplicité d'objets qu'il a étudiés, et à partir de ces études situées, de cas, il veut essayer de déduire des règles invariantes de fonctionnement des univers sociaux. Donc c'est écrasant. Je trouve que c'est extrêmement, ce qu'il a fait, c'est extrêmement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce qu'il a essayé de faire, parce que déjà ça remet en cause nos manières de penser. C'est-à-dire, on oppose traditionnellement la grande théorie et puis les petites études détaillées. Lui, il fait les deux. Il ne fait jamais de théorie indépendamment d'enquêtes bien précises, bien circonscrites, d'objets bien construits, mais sans perdre de vue effectivement des grandes questions générales, et même des questions quasi philosophiques, oui. Mais qu'il restructure, qu'il redéfinit. Autre concept prédominant, c'est le concept de capital. On a des capitaux selon les endroits où l'on se trouve dans la société, et par-dessus cela, pourrait-on dire, il y a le capital symbolique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces capitaux et en quoi est-ce que c'est structurant et nouveau aussi dans la pensée sociologique, Marc Joly? Ce qui a été le plus neuf, ça a été l'accent mis sur le capital culturel par rapport au capital économique. Qui compte davantage selon Bourdieu? C'est intéressant, c'est-à-dire que l'idée c'était de dire que la réussite scolaire, par exemple, des élèves ou des étudiants, elle s'explique d'abord par le capital culturel qui leur a été transmis dans le cadre de leur famille, et même le plus important dans la réussite scolaire, c'est tout ce qui n'est pas vraiment scolaire, c'est-à-dire tout ce que la famille transmet comme savoir-faire, comme savoir-être, qui permettent de réussir à l'école. Donc ça, c'est évidemment en rupture par rapport aux visions selon lesquelles c'est le fait de venir d'une famille riche qui fait qu'on réussit, etc. Bon, ça n'a l'air de rien, mais c'est un apport. Donc c'est tous les travaux qu'il fait de sociologie de l'éducation, notamment avec Passeron. Donc c'est davantage les enfants de professeurs que finalement les enfants d'industriels qui vont avoir les meilleures notes en classe. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Derrière ça, il y a l'idée que la reproduction, finalement, elle passe par ces mécanismes-là. C'est-à-dire, c'est pas automatique. C'est-à-dire, on n'hérite pas d'une position parce que on va se la voir offrir par ses parents. On doit passer par le système scolaire, ce qui fait que la reproduction, c'est un mécanisme statistique. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'être professeur ou de réussir tel concours si on vient d'une famille de professeurs. C'est là où il n'y a pas de déterminisme. Non, il n'y a pas de déterminisme au sens d'un mécanisme. Mmh. C'est une question de probabilité statistique. Donc ça, c'est, on va dire, donc voilà, capital culturel, capital économique. En gros, l'idée, c'est de dire que les sociétés contemporaines, fortement divisées, capitalistes, économie de marché, avec un État quand même plus ou moins fort, ont toutes, finalement, sont toutes caractérisées par cette tension entre le capital économique et le capital culturel. Mais ça bouge. Si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il y a des travaux qui montrent que la réussite scolaire, quand même, même si le capital culturel joue, on a quand même tendance à mettre l'accent sur le fait que bénéficier de transferts économiques, etc., ça devient déterminant. Ça devient déterminant. Il y a des travaux, je pense à un livre de Sybille Golac et Céline Bessières, ça s'appelle Le genre du capital, elle montre ça. Mais c'est une tension, c'est un équilibre entre capital économique, capital culturel, ce qui fait que il faut avoir une vision plus complexifiée que une simple vision, on va dire, traditionnelle marxiste de l'élite, par exemple. L'élite, elle se clive entre un pôle qui est plutôt du côté du capital culturel, un pôle qui est plutôt du côté du capital économique. C'est pareil pour les classes moyennes, etc., pour les classes populaires. Donc bon, alors après, vous voulez que je réponde à capital symbolique ou vous vouliez enchaîner? En fait, le capital symbolique, c'est pas un capital en plus, c'est ce qui fait que un capital est reconnu et apprécié pour ce qu'il est. C'est vraiment relationnel, l'idée de capital symbolique. C'est le fait de reconnaître l'efficience d'un capital donné. C'est ça, le capital symbolique. C'est un peu le charisme, peut-être. C'est ce que les autres veulent bien voir en vous, indépendamment de votre capital économique et peut-être même de votre capital en termes d'éducation. C'est ça, le capital symbolique. Oui, c'est être reconnu. C'est être reconnu comme détenteur d'un capital. Voilà. D'un certain capital. Disparaître un jour. Et si vous n'êtes plus reconnu comme étant détenteur d'un capital symbolique, bah, à un moment donné, vous n'avez plus rien. Oui, mais en même temps, on n'a que ça. Enfin, tout est une question. En fait, le monde social, c'est une lutte permanente pour la reconnaissance. Alors ça, c'est important aussi, cette idée bourdieusienne, peut-être pas seulement, mais aussi bourdieusienne, que le monde social, c'est un champ de bataille. C'est peut-être pour ça que la sociologie est un sport de combat, pour reprendre la phrase de Pierre Bourdieu, devenu célèbre avec le film de Pierre Karl. On se bat sans cesse avec les capitaux qu'on a pour monter dans le champ social. C'est ça, finalement, l'espèce de logique interne du champ social. Oui, pour monter, et puis pour imposer son point de vue, déterminé par l'économie globale des capitaux qu'on possède, comme le point de vue le plus légitime. C'est ça la lutte, en fait, qui se joue. Et clairement, on voit ces dernières... Quand vous disiez, entre la mort de Bourdieu et aujourd'hui, ce qui a changé, bah, une des choses qui a changé dans le monde social, c'est que le capital économique a pris encore plus de place que ce que c'était le cas à la mort de Bourdieu, qui lui-même déjà montrait qu'il y avait une évolution où les champs de production culturelle, pas le champ littéraire, le champ de l'art, le champ universitaire, le champ journalistique aussi, qui a une position un peu intermédiaire, étaient de plus en plus soumis à des injonctions extérieures. Et ces injonctions extérieures, en dernier ressort, étaient liées quand même au pouvoir économique. Mmh. Et il y avait un danger fort qu'il avait identifié, et je ne pense pas que ce soit beaucoup résorbé depuis. Le problème du sociologue, c'est qu'il essaie de dire des choses que personne ne veut savoir. Et surtout pas ceux qui le lisent. Bon, et du même coup, je pense, c'est un problème enfin, qui parfois me fait douter de mon existence en tant que sociologue, de la légitimité de mon existence en tant que sociologue, et de la fonction du travail scientifique. Je pense que est-ce qu'il est bon, enfin, de dire ce qu'il en est du monde social? Bon. Est-ce que un monde social qui se connaîtrait lui-même serait vivable? Voilà. Alors moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, bon, qui sont toujours oubliées par la grande déploration marxiste, par exemple, beaucoup de souffrances, beaucoup de misères, seraient formidablement atténuées, même transformées ou annulées, si la transparence, enfin bon, c'est-à-dire une plus grande connaissance de ce qu'il en est de la culture, de ce qu'il en est de la religion, de ce qu'il en est du travail, etc. Bon. Est-ce qu'il faut rester ignorant de qui l'on est, sociologiquement parlant? Non, dit Bourdieu, il faut quand même mieux savoir où on se trouve, mais personne n'aime être objectivé par le sociologue. C'est jamais très agréable quand le sociologue vous dit « voilà, vous êtes ceci » ou « alors vous êtes cela ». Oui, mais Bourdieu n'a jamais fait ça. C'est-à-dire, il avait conscience justement qu'on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, il y a effectivement des structures objectives qui font que tout n'est pas possible pour n'importe qui. L'espace des possibles est plus ou moins limité. Il vaut mieux d'ailleurs le savoir, ne pas se faire d'illusions. Et en même temps, il faut rendre raison du rapport au monde des gens, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils sont, leur redonner un peu la vérité d'eux-mêmes. Et donc, il est entre les deux en permanence. C'est-à-dire, on reconstitue des espaces de position, des espaces des possibles, des choses qui sont objectives. C'est-à-dire, par exemple, c'est des questions, encore une fois, de probabilité statistique. Bah, si vous êtes fils d'eux, bah, vous aurez tant de chances d'eux. C'est comme ça. Et donc, si vous avez des espérances qui ne sont pas ajustées à cette réalité objective, vous risquez d'être déçu. Voilà. Vous risquez, c'est toujours ça qui est oui, important exactement. De préciser, c'est que c'est pas exactement. Totalement, encore une fois, déterminé, mais c'était statistiquement plus probable. Voilà. C'est assez désenchantant quand même, hein, parce que bon, c'est contraignant. Donc voilà, c'est le cœur de son travail. Et c'est le cœur aussi de la critique qui est faite à Pierre Bourdieu, c'est-à-dire et notamment la critique des sociologues qui considèrent que l'individu a plus de marge de manœuvre que ce que Bourdieu veut bien dire. C'est un peu ça quand même le grand clivage dans la sociologie, puis même peut-être dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est plus ou moins déterminé? Est-ce qu'on est plus ou moins libre? Déjà, je l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire plus tôt. En fait, il s'affranchit de ce problème-là, déterminisme, liberté. Il s'en affranchit. C'est-à-dire que c'est un problème qui ne l'intéresse pas poser comme beaucoup le posent, en fait. La seule possibilité d'être libre, si tant est que le mot ait un sens, hein, c'est de comprendre les déterminations qui pèsent sur sa trajectoire. Donc c'est une autre forme de liberté que celle entendue. C'est une liberté réaliste, c'est-à-dire au fond c'est un rapport au monde social qui est très distancié, qui est très réaliste, d'où effectivement cette douleur qu'il exprimait parfois. Parce qu'on s'en sort pas vraiment, enfin oui, statistiquement on s'en sort pas. Non, mais bon, il y a quand même des transformations. Mais il y a aussi l'accent, je voudrais le souligner, l'accent mis sur, et c'est ça aussi qui fait que c'est une sociologie qui peut être mal vue, qui met l'accent sur la magie sociale, c'est-à-dire sur le fait que le monde social fonctionne à la magie, fonctionne à la croyance, fonctionne un peu à l'illusion. Évidemment, mettre ça en lumière, c'est pas. En tout cas, ça ne peut pas aller dans le sens de ceux qui ont intérêt à ce que certaines représentations, à ce que certains points de vue priment. Mais dans le même temps, si évidemment il y a quelque chose d'un petit peu triste dans la théorie de Bourdieu, ce qui explique peut-être que lui-même. Comme il le disait, n'était pas un universitaire totalement heureux. Dans le même temps, il s'est engagé très profondément en politique. Donc c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire, s'il s'engage en politique, c'est parce qu'il doit penser qu'il y a la possibilité de changer le monde social, que pourtant il décrit comme étant, malgré tout, assez figé. Oui, il pense qu'on peut changer les choses à condition de parfaitement comprendre le processus qui a conduit à l'état dans lequel on est. C'est-à-dire, si on ne comprend pas comment on en est arrivé à telle configuration, à tel espace, à telle structure, si on n'a pas une connaissance un peu sociogénétique de cet ordre-là, on peut pas avoir la prétention d'y changer quoi que ce soit. Les changements sont forcément parcellaires, ils sont forcément limités. Quels pouvaient être ces changements ? Je ne sais pas, mais par exemple, prenons ces différents engagements. Sur la guerre d'Algérie, bon, il y a un processus qui est engagé, Et lui, ce qu'il a en tête, c'est d'anticiper ce que va devenir la société. Voilà. En 68, il n'est pas parmi les plus engagés, mais il est quand même engagé. Et il fait diffuser un ensemble de rapports sur telle ou telle question, la réussite scolaire, la réussite à l'université, etc. Plein d'autres choses, le rapport à la culture, fondé sur des recherches très concrètes, très empiriques. Donc, des connaissances situées sur des objets circonscrits, un ensemble de choses comme ça, ça peut permettre d'éclairer la compréhension qu'on a de la société et ce qu'il est possible de faire ou pas pour changer les choses. Donc, savoir comment se trouve la société, faire une sorte de tableau, en prendre conscience et, par cette simple prise de conscience, changer un peu les comportements ou changer un certain nombre de comportements ou de visions de voir les choses. C'était ça peut-être la démarche de Pierre Bourdieu, Marc Joly ? Oui, faire ressortir des rapports objectifs, faire ressortir des effets structurels. Bourdieu, c'est quand même fondamentalement un réformiste, c'est-à-dire, à un moment donné, il a été dans l'entourage un peu de Rocard. C'est pas un révolutionnaire ? Non. On peut pas dire que ce soit c'est un révolutionnaire intellectuellement et scientifiquement, ça c'est certain. Politiquement, il a une ligne qui est fondamentalement une défense de l'universel. Je dirais ça comme ça, une défense de l'universel. Mais peut-être avant les débats qu'on connaît aujourd'hui et qui repose justement l'universalisme versus. Oui, c'est-à-dire parce que c'est une conception de l'universel qui repose sur l'idée qu'il y a des conditions sociales très spécifiques à la possibilité de l'universel. À la possibilité d'une science comme la sociologie, à la possibilité d'une littérature pure. Il y a des conditions très spécifiques, et ces conditions-là, si elles ne sont pas réunies, eh bien, c'en est fini de l'universel, en fait. Donc une espèce de socle de base, mais pourtant, lui-même était le premier à dénoncer la domination masculine, était le premier à dénoncer la domination coloniale, et donc on le voit moins universaliste. Oui, mais bien sûr, c'est pas en ce sens-là. C'est pas dans le sens d'une vision prédonnée des choses, du monde, qui doit s'imposer parce qu'elle est meilleure que les autres et les autres doivent s'y soumettre. C'est l'accent mis sur l'universel au sens d'un rapport, on va dire, désintéressé au monde, mais qui est évidemment lié à des luttes spécifiques. C'est-à-dire, en fait, l'universel, c'est l'effet d'une lutte. Voilà, c'est l'effet d'une lutte. C'est l'effet de lutte qui ne cesse pas. Et si on baisse la garde, eh bien, les petits progrès qui ne vont pas de soi vont s'éteindre. Pourquoi étudier l'homme universitaire quand on est universitaire? Je crois que c'est un réflexe professionnel qui devrait se généraliser. C'est-à-dire, je pense que les journalistes devraient s'étudier eux-mêmes, que les philosophes devraient s'étudier eux-mêmes, que toutes les professions qui ont pour vocation d'influencer les autres ou de parler des autres, surtout de parler à la place des autres, devrait s'étudier elle-même. Par exemple, j'essaie d'analyser la logique particulière du pouvoir universitaire. Et je pense, au point de vue théorique, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier un univers dans lequel il y a un pouvoir qui n'est pas du tout du type des pouvoirs que l'on observe ailleurs. On a un pouvoir qui ne s'exerce qu'avec la complicité de ceux qui le subissent. Alors c'est vrai, je crois, de tout pouvoir, à des degrés très différents, mais dans le cas du pouvoir universitaire, il s'agit d'une sorte de violence douce, insensible. Alors, par exemple, une des choses qu'on connaît très bien, c'est le fait que les thèses sont interminables. Bon. Et alors les gens pensent que les thèses sont interminables parce que il faut faire quelque chose, il faut travailler très très longtemps pour faire quelque chose de très bien. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que si les thèses sont longues, donc ce n'est pas parce qu'elles doivent être longues pour des raisons scientifiques, c'est parce que la longueur de la thèse est un des mécanismes qui protège le pouvoir de celui qui dirige la thèse. Et pour que les générations ne se télescopent pas, il faut 25 ans d'écart. Bon. Et alors si on calcule, il faut 10 ans pour faire la thèse, puis après 5 ans pour énumérer. Bon, bref, voilà. Et si les thèses se raccourcissaient, ça ferait des télescopages de génération et des conflits. Que pensez-vous, Marc Joly, de cette idée que les thèses seraient longues pour que le roulement, finalement, soit fluide entre les anciennes et les nouvelles générations d'universitaires? Là, je pense qu'il décrit un état du champ qui est dépassé, qui n'a plus cours. C'est vraiment, d'un point de vue morphologique, c'est des petits effectifs, c'est des relations très mandarinales, d'autorité. Et ça s'est totalement transformé, notamment dans le siège de 68, avec une massification, notamment des étudiants, mais aussi des corps enseignants, avec l'apparition d'enseignants inférieurs dans la hiérarchie que le professeur, mais il y en a de plus en plus, ils pèsent, etc., et des rapports de force. Aujourd'hui, les rapports entre un directeur de thèse, une directrice de thèse et ses doctorants, c'est plus du tout comme ça. Ça a vraiment changé. D'ailleurs, maintenant, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'il y a une pression pour que les thèses soient courtes, se fassent en 3 ans, et ceux qui défendent l'autonomie du champ disent il faudrait peut-être ne pas se plier à cette injonction-là. Si une thèse doit prendre 4-5 ans, elle prendra 4-5 ans. C'est pas figé. Là, il décrit un état dépassé. En tous les cas, je ne sais pas si il avait fait une enquête de terrain. Enfin, il était quand même universitaire, donc il devait s'y connaître un petit peu pour affirmer cela. Mais pour Pierre Bourdieu, c'était important de faire des enquêtes parce que pour lui, la sociologie devait être érigée comme une science au niveau de la science. Et il y avait tout un projet, si je ne me trompe, qui était vraiment de tirer le plus possible la sociologie vers la méthode scientifique. Oui, sachant que cette méthode scientifique, c'est pas quelque chose qui est donné de l'extérieur à la sociologie. La révolution de Bourdieu, en fait, elle repose dans l'idée que la sociologie trouve en elle-même les conditions de sa scientificité. Et les conditions de la scientificité de la sociologie, c'est en premier lieu la sociologie de la sociologie, c'est-à-dire la compréhension des conditions sociales de possibilité de quelque chose comme une connaissance sociologique scientifique. Mmh. C'est absolument révolutionnaire. C'est ça qu'on garde surtout, c'est ça que vous garderiez surtout de Bourdieu, Marc? C'est l'essentiel. Je pense que c'est l'essentiel. Il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est l'essentiel. Je pense que c'est un héritage durkheimien. Je pense que ça remonte vraiment à Durkheim, cette idée-là. On la retrouve aussi chez Elias. Mais c'est vrai que c'est le cœur. C'est le cœur de la révolution, on va dire, intellectuelle de Bourdieu. Parce que, du coup, il sort de ces vieilles oppositions, sciences de la nature, sciences de l'homme, qui ont été manipulées en permanence pour délégitimer la possibilité d'une sociologie, les entreprises de délégitimation d'une science sociologique. Science dure, science molle. Voilà, science dure, science molle, science de la nature, science de la culture, science de l'homme. Bon, bref, il sort de ça. Il sort de ça. Il déplace la question et il dit non, ce qu'il faut, ce à quoi il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait qu'une science comme la sociologie est possible socialement. Voilà. Et ça, c'est une profonde rupture. À l'étranger, quelle est son influence? Elle est forte au sens où je pense qu'on peut dire encore que c'est le sociologue le plus cité à l'échelle internationale. Il a été énormément. Pas le sociologue français, le sociologue. Oui, le sociologue tout court. C'est le sociologue le plus influent de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a le dictionnaire international Bourdieu de Gisèle Sapiro, dirigé par Gisèle Sapiro, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui montre bien ça. D'ailleurs, en y pensant, quel autre sociologue peut donner lieu à un dictionnaire de 900 pages avec 600 entrées sans que ce soit artificiel? Moi, j'ai fait deux petites entrées, ça aurait pu être 2 livres, tellement que ça couvrait des choses. Le rapport à Elias ou le rapport à Raymond Aron, on pourrait en faire des livres. Et c'est comme ça sur 600 entrées. Donc, c'est absolument considérable. Donc, très grande réception. Un peu partout. Après, si vous voulez, les espaces ont leur spécificité, les espaces des sociologies nationales ont leur spécificité propre, et l'ampleur du projet intellectuel de Bourdieu, il n'est pas vraiment compris, parce que la sociologie, d'abord, elle est souvent coupée de l'ethnologie, bon, ça on l'a déjà dit. Après, elle-même, elle est divisée en sous-domaines. Donc, par exemple, il y a sociologie de la culture, sociologie de l'éducation. Bon. Et on voit pas que Bourdieu est en permanence en train de ne pas respecter cette opposition-là entre sociologie de la culture et sociologie de l'éducation. Mais bon, lire la distinction comme un livre de sociologie de la culture, etc., ou les héritiers comme un livre de sociologie de l'éducation, c'est le cas, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est une réception il y a beaucoup de parcellisation. Et le projet global, la démarche intellectuelle globale mettant au cœur la réflexivité, je dirais pas qu'elle est majoritaire et qu'elle a été diffusée partout. Aux États-Unis aussi, c'est justement référence. Je pensais aux États-Unis en disant ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des notions qui sont pas très bien comprises. Le champ, c'est associé à d'autres conceptions du champ. Enfin, c'est pas. Donc, il y a une réinterprétation à l'américaine, avec d'autres manières oui, d'envisager les choses. C'est toujours comme ça quand une œuvre est transférée. Enfin, c'est souvent comme ça en tout cas. Après, il y a des bourdieusiens aux États-Unis. Quelqu'un comme Loïc Vacant, qui est un élève de Bourdieu, qui a fait toute sa carrière à Berkeley, je crois. Il a vraiment défendu l'approche de Bourdieu, la théorie d'ensemble de Bourdieu. Mais bon, il est minoritaire. Quelqu'un comme Judith Butler, par exemple, pourrait se réclamer de la domination masculine de Bourdieu, le livre de Bourdieu. Je sais pas. En tout cas, elle a discuté, elle a repris un peu la notion d'habitus, mais bon, c'est une autre perspective. C'est un élément parmi beaucoup d'autres dans son travail, à Judith Butler. L'habitus, c'est l'incorporation des structures sociales. Voilà, des structures sociales qui fait que de façon naturelle, on a le sentiment qu'on agit de telle manière, de façon naturelle, alors que c'est simplement de façon incorporée. Merci beaucoup, Marc Joly, d'être venu aujourd'hui nous parler de Pierre Bourdieu. Cette émission ne serait pas complète sans un dernier moment que nous propose chaque jour Romain de Bec de Lièvre. Bonjour Romain. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. C'est le moment de votre pièce jointe. Dans son numéro du mois de septembre 1997, Le Monde diplomatique publie dans ses colonnes un texte signé de Pierre Bourdieu. Il s'intitule « L'architecte de l'euro passe aux aveux ». Le sociologue du Collège de France s'y montre particulièrement véhément et emporté. Pourquoi ? Parce qu'il a lu, dans l'avion précise-t-il, la prose d'un certain monsieur Hans Steinmeier, économiste et directeur de la Banque fédérale allemande, qui recommande aux États de l'Union des coupes budgétaires et des efforts ordolibéraux. En cette année 1997, la monnaie européenne entre dans l'aube de son avènement et Hans Steinmeier est l'un de ses concepteurs. Bourdieu pressent alors le pouvoir à venir des banques centrales sur les États et de l'idéologie néolibérale sur le continent. Il prend donc à la lettre et à la gorge les phrases de M. Steinmeier dans ce texte qui fait entendre une veine moins célèbre de sa pensée, celle de l'écrit de combat et du style pamphlétaire. Il faut contrôler les budgets publics, baisser le niveau des taxes et impôts jusqu'à leur donner un niveau supportable à long terme, réformer le système de protection sociale, démanteler les rigidités sur le marché du travail, de sorte qu'une mériterait un long commentaire, nouvelle phase de croissance ne sera atteinte à nouveau que si nous faisons un effort, le nous faisons est magnifique, de flexibilité sur le marché du travail. Ça y est, les grands mots sont lâchés et M. Hans Steinmeier donne un magnifique exemple de la rhétorique euphémistique qui a cours sur les marchés financiers. L'euphémisme est indispensable pour susciter durablement la confiance des investisseurs, dont on aura compris qu'elle est l'alpha et l'oméga de tout le système économique, le fondement et le but ultime, le telos de l'Europe de l'avenir. Tout en évitant de susciter la défiance ou le désespoir des travailleurs, avec qui, malgré tout, il faut aussi compter, si l'on veut avoir cette nouvelle phase de croissance qu'on leur fait miroiter, pour obtenir d'eux l'effort indispensable. Parce que c'est d'eux que cet effort est attendu, même si M. Hans Steinmeier, décidément passé maître en euphémisme, dit bien « démanteler les rigidités du marché du travail de sorte qu'une nouvelle phase de croissance ne sera atteinte à nouveau que si nous faisons un effort de flexibilité sur le marché du travail ». Splendide travail rhétorique qui peut se traduire « Courage travailleurs, tous ensemble, faisons l'effort de flexibilité qui vous est demandé ». Le texte pourtant bref de Pierre Bourdieu répète pas moins de 15 fois le nom de Hans Steinmeier, précédé du titre de civilité « Monsieur », une figure de style satirique qui vise, par les marques de respect un peu trop appuyées et répétées, à déstabiliser l'adversaire. Mais que reproche Bourdieu à Hans Steinmeier ? En plus de son orthodoxie néolibérale et de sa passion pour les restrictions budgétaires, le sociologue français reproche à l'économiste allemand un certain usage du langage. Bourdieu démonte, terme après terme, le discours de ce père fondateur de l'euro. Pourquoi ? Parce que selon lui, un entretien dévoile un univers et les mots de M. Hans Steinmeier se diffusent dans le réel et finissent par le former ou le déformer. C'est pourquoi Bourdieu se propose d'analyser et de commenter ces mots à la manière d'un, je cite, « texte sacré » pour mieux pourfendre le dogme de ce qu'il nomme la pensée Steinmeier. L'affrontement entre le sociologue et l'économiste offrira au journal allemand Neue Zürcher Zeitung l'occasion de donner un surnom à Bourdieu, le Zola des places financières. Merci beaucoup Romain de Bec de Lièvre. Cette chronique, elle est à retrouver évidemment sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'est écouté Sans oser le demander, aujourd'hui réalisé par Liscombe. Une émission sur le parcours intellectuel de Pierre Bourdieu. Il reste évidemment beaucoup à dire encore sur le sujet. Je renvoie donc au livre de mon invité d'aujourd'hui, La sociologie réflexive de Pierre Bourdieu par Marc Joly. Ce livre est disponible chez CNRS Éditions.